On a des examens psychologiques qui répondent très bien aux questions. Donc vous faites une échographie, vous faites un scanner, vous avez la réponse. Mais là, c'est beaucoup plus pour une orientation, je dirais, clinique. Nous aussi. Si vous connaissez votre anatomie, vous saurez à quoi vous avez affaire. Donc, pour une raison didactique, on divise l'abdomen en 9 compartiments. Il y a l'hypochondre droite et gauche. Allez, viens, l'épigastre. Il y a l'hypochondre droite et gauche. Vous avez la fossiliaque droite et gauche. Vous avez l'hypogastre et l'épigastre et la région périombilique. Donc, si vous connaissez votre anatomie, là, vous saurez un petit peu. Il s'agit de quoi? C'est quoi d'abord une masse abdominale? À la contraire, au contraire de la hernie, d'accord? La hernie, c'est quelque chose qui s'extériorise. La masse, c'est à l'intérieur de la peau. On soit d'accord. La masse hernie, quand vous avez à la consultation un malade qui vient, il vient avec une masse, vous le constatez notamment à l'examen clinique. La masse hernie, vous devez décrire ses caractéristiques. Est-ce que c'est une masse qui est dure? Est-ce que c'est une masse qui est liquide? Donc elle est rénitente. Est-ce que c'est une masse mobile? Est-ce que c'est une masse qui est fixe? D'accord? Est-ce que c'est une masse douloureuse? Est-ce qu'elle est indolore? Est-ce qu'elle est accompagnée d'un abcès? Etc. Bon. Donc, Nebdeu, partie, on va expliquer ensemble. Moi, je vais vous montrer les diapos. Donc, Nebdeu, l'hypochondre droit. Ou je n'importe l'hypochondre droit. Le foie. Donc, tout ce qui se rapporte au foie, ça peut être un kyste hydatique, un abcès, une masse tumorale, d'accord? Donc, si vous avez une masse tumorale, bien sûr, ça va être très dur, etc. Si vous avez un kyste, ça va être... Le kyste, c'est soit vous palpez le kyste, soit vous palpez l'hépatomégalie, parce que c'est un kyste qui est situé au dos et qui pousse le foie vers l'intérieur. Et vous avez, même au niveau de l'hypochondre droit, quand vous avez une masse au niveau du col supérieur du rein ou bien de l'angle polype droit, vous allez l'avoir au niveau de l'hypochondre. La même chose pour l'hypochondre gauche, c'est automatiquement l'effet en miroir. Donc c'est la rate, kyste hydatique de la rate, maladie de la rate, ça peut être maladie lympho-hématogène, LMNH, Hodgkin, n'importe quoi, ou bien une splénomégalie de n'importe quelle étiologie. Vous pouvez avoir un truc du col supérieur du rein ou bien intraménage, vous pouvez avoir un truc au niveau de l'angle polyque. Et même les kystes hydatiques du foie gauche, parce que le foie il est étendu comme ça, le foie gauche, vous pouvez les marquer au niveau du hypochondre gauche. Donc un KHF, on peut le passer au niveau du hypochondre gauche. Et puis l'épigastre, vous avez votre estomac, vous avez votre pancréas qui est derrière, donc un pseudo-kyste pancréas. Pseudo-kyste pancréas, c'est un kyste sans paroi forte. Vous avez vu les pancréatites. Donc il peut être énorme, 15, 20, 25 cm, et là il pousse tout en antérieur, d'accord? Au niveau des flancs, c'est beaucoup plus ce qui se passe au niveau des reins. Et puis les fossiliaques, c'est beaucoup plus ce qui est colon et vous avez un peu de génital. Et l'hypogastre, c'est l'utérus, vous avez la vessie, vous avez les ovaires chez la femme, ils peuvent se manifester au niveau de la région hypogastrique ou là, au niveau des fossiliaques. Bon, mais toutes les possibilités, la dernière fois, on a eu une malade. Bon, qui travaille avec nous, il est venu avec une masse au niveau de l'hypochondre gauche. Quand on l'a envoyé à l'échographie, c'était un fibrome utérin. Donc, c'est un truc, c'est pour ça que je vous dis, c'est un TD qui n'a aucun sens, parce que là, vous suspectez quelque chose, vous avez votre examen morphologique qui vous répond l'inverse. Mais là, vous devez le savoir dans un but didactique et dans un but de répondre éventuellement à des questions à l'examen. Voilà. Bon, on passe. Bon, là, on va faire passer les diapos. Hein. On parle de masse abdominale devant une tuméfaction. Donc, liquidien, masse. Solide, masse. D'accord. Donc, ça peut être un processus inflammatoire, infectieux, une tumeur. Donc, tout ce qui donne une masse à l'intérieur de l'abdomen, on appelle masse abdominale. Les hernies et les éventrations, c'est autre chose. Vous l'avez vu dans le cours qui précède. Bon, les circonstances de découverte, soit c'est le malade qui constate par lui-même, soit c'est le médecin, d'accord, quand le malade vient pour une autre raison, soit c'est le bilan d'extension. L'examen clinique, c'est la palpation, donc le siège exact, Gouna, la consistance, la fixité au nom, généralement, une tumeur fixe, c'est malin, généralement, on dit bien, une tumeur qui est mobile est plus rassurante. Et plus rassurante, pas plus. Douloureuse ou non. Douloureuse, ça veut dire que s'il y a de l'inflammation, il y a de l'infection, etc. Bon, les examens complémentaires, bon, vous avez l'échographie, c'est un examen magnifique. Alors, il ne fait rien au malade. C'est un examen qui est anodin. Anodin, il n'y a pas de rayon, ça fait pas mal, il n'est pas invasif, il est peu coûteux, il est reproductif, il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas. Quand vous avez, bon, quand vous passerez votre examen, vous allez dans la vie pratique, vous trouvez une masse, demandez une échographie, ne cherchez pas trop à comprendre. Bon, donc l'échographie va répondre, je dirais, à 70% de vos questions et vous permet de vous poser d'autres. Si vous trouvez, si elle vous dit, c'est une masse qui intéresse le côlon, là, vous allez demander une colonoscopie. Si c'est une masse qui intéresse l'estomac, vous allez demander une fibroscopie digestive. Oh. Donc, c'est l'échographie maintenant, on est dans un stade où l'échographie apporte beaucoup. Et quand vous avez un truc au niveau du pancréas, là, vous demandez un scanner, l'échographie répond parfaitement bien aux questions concernant le kystylatif du foie. C'est un examen qui est magnifique en matière de kystylatif du foie. Donc là, je mettais 4-5 fois à l'échographie. D'accord? Bon. Les étiologies, ça dépend du siège. Et là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. D'accord. Bon. L'abdomen de dos. Hypocondre droit. Hypocondre droit, c'est ça. D'accord. Donc, ça peut être le foie, ça peut être la vésicule biliaire. Une vésicule palpable. D'accord. L'hydrocholécyste. Vous l'avez donc, vous allez le voir, le cancer du pancréas. Donc, il y a deux trucs. Oui, non, pas une masse au niveau de l'hypocondre droit, qui n'est finalement qu'une vésicule palpable. Vous avez le colon droit, le colon colique, il arrive quand même à l'hypocondre droit. D'accord. Vous avez la tête du pancréas, bon, qui est un peu loin. Mais si la tête du pancréas augmente de taille, d'accord, elle va arriver ici. Vous avez le rein droit. Le rein droit, il est juste ici. On ne le voit pas ici, mais il est juste à cheval entre l'angle colique droit et la partie la plus basse du foie. D'accord. Donc le foie, c'est quoi? Où je trouve bien le foie? C'est l'hépatomégalie. Les tumeurs bénignes du foie. D'accord. Et ce qu'on appelle l'hyperplasie musculaire focale. C'est une maladie, une pathologie bénigne. Vous avez tout, M. Rahadi, vous avez l'angiome, d'accord, les angiomes hépatiques, vous avez les adénomes hépatiques, et donc c'est des tumeurs bénignes. L'adénome, il est potentiellement malade parce qu'il peut dégénérer. D'accord. Vous avez les tumeurs malignes carrément, primitives ou la secondaire. Le kystylatique du foie, c'est par excellence, parce qu'on est dans un pays où ça c'est endémique. un kyste biliaire, donc un kyste biliaire c'est une pathologie qui est vraiment bénigne, d'accord. Les abcès, abcès amibien, d'accord, l'amibien, vous pouvez avoir des abcès au niveau du foie, ce sont des abcès amibiens. On a des abcès apiogènes, d'accord. Les abcès apiogènes, vous pouvez les guérir dans le foie. Les guérir quand il y a soit une infection des voies biliaires, les infections des voies biliaires, vous pouvez les guérir. C'est quand vous avez une angiocolite, par exemple, d'accord. Et puis, quand les abcès apiogènes, les guérir quand il y a une infection dans les structures drainées par la belle porte. Par exemple, appendicite, très bien. Quand vous avez une appendicite, comme le sang est drainé par le système porte, ça peut entraîner un abcès du foie. Zéno. La sigmoïdite, par exemple. Donc l'appendicite, la sigmoïdite, pourront se compliquer par un abcès apiogène au niveau du foie. Donc l'abcès du foie, et l'abcès amibien, c'est l'amibiase, et l'abcès apiogène, soit que vous avez une infection dans le tube digestif parce qu'il est drainé par le système porte, soit vous avez une infection au niveau des voies biliaires. L'infection des voies biliaires, c'est par excellence l'angiocolite. L'angiocolite indique qu'elle soit lithiasique ou là une fistule, peu importe. Ou là, si vous avez une polycystite, elle peut évoluer par contiguïté et donner un abcès du foie. Les infections médicales, la cirrhose donc une hépatomégalie qu'on peut palper, et le foie cardien. Là, c'est une hépatomégalie qui est en rapport avec un mauvais retour. Bon, la vésicule biliaire, on peut aussi la palper, donc, soit hydrocolitis, soit, c'est-à-dire les goulnans, la vésicule palpable, c'est les cancers. Bon, le côlon droit, c'est surtout les cancers de l'endocolite. La tête du pancréas, c'est surtout le pseudocyte, pour le thyroïde. Et le rein droit, d'accord. C'est quand il y a un truc au niveau du corps supérieur. L'hypochondre gauche, c'est la même chose, dit dans les rats, sauf au lieu de la rate, on met le foie. Donc la rate, donc tout ce qui donne les mégalées. C'est surtout les hémopathies, paludisme, l'hypersplénisme, toutes les étiologies de la splénomégalie. Il y a le kyste hydatique, d'accord. Il y a les hématomes qui pourront être secondaires à un traumatisme ou là chez les sujets qui ont des anticoagulants. Et puis les abcès. Les abcès au niveau de la rate sont peu fréquents. On peut avoir les abcès apiogènes, on peut avoir les abcès aseptiques. Par exemple, quand on a une thrombose de l'artère splénique, on peut avoir un abcès apiogène. Ça nous est arrivé avec une malade. Le côlon gauche, donc c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. Cancer du côlon, pseudocyste du pancréas, parce que le pancréas, normalement, c'est l'épigastre. D'accord. Donc, quand vous avez des normes pour pseudocyste, quand c'est la tête, ça va au niveau de l'hypochondre gauche. Et quand c'est la queue, ça, c'est l'hypochondre gauche, c'est l'hypochondre gauche, d'accord. Bon, pour l'épigastre, vous avez le foie, vous avez l'estomac, vous avez le corps du pancréas, je ne sais pas si on le voit ici. Bon, le pancréas, de toute façon, il dit, maintenant, Dieu, des noms, il plaquait déjà. D'accord, donc l'endroit le plus profil, c'est l'épigastre. Et puis vous avez votre colon transverse. Le foie n'a donné que ce là. C'est la même chose, le foie. L'estomac, c'est les tumeurs de l'estomac. Ou là, la distension de l'estomac. Le corps du pancréas, soit le cancer, soit le pseudocyste. Et le colon transverse, c'est le cancer du transverse. Périombélical, donc nous il est où là. Donc c'est soit le cancer du côlon, soit le greffe ou le péritoine. Le greffe ou le péritoine, il y a beaucoup de maladies. Il y a les maladies inflammatoires, on croit que la maladie de Crohn. Donc pour donner un peu une élite pseudo-tumorale, d'accord. Et puis vous avez les masses, les tumeurs du mésentère, d'accord. Les tumeurs du mésentère peuvent donner d'énormes masse en périombilical. La fossilière droite, c'est le colon droit, d'accord? La fossilière droite, c'est généralement ce qui se passe au niveau du sécom. Donc, soit c'est un cancer du sécom, soit c'est une pathologie de la voie de iliocécale, soit c'est un problème de l'appendice, soit c'est l'ovaire. D'accord? Le colon en C, l'appendicite pseudo-tumoral, le plâtrant appendiculaire nous donne vraiment une image au niveau de la fossilière droite. D'accord? Et puis l'ovaire droit, il y a certaines tumeurs et certains kystes de l'ovaire qui sont très importants. Bon, la fossilière gauche, c'est la même chose. C'est soit le sigmoïde, d'accord? Soit l'ovaire gauche. Ça peut être tout simplement un petit calor. D'accord? Je l'ai sujet constipé, oulala, on a trouvé une masse. Et puis, au niveau de l'hypogastre, c'est la vessie et la sphère génitale, d'accord? Vessie, globe vésical. Il y a un malade chez qui les résidents étaient très contents d'avoir palpé une masse. Tiens, on a une masse. Et puis après, c'était juste un malade qui n'arrivait pas à uriner. Il avait un gros globe vésical. Donc, hypogastrique. Il faut d'abord éliminer un globe vésical avant de parler d'autre chose. Sinon, c'est les volumineux fibromes utérins. Je vous ai dit que le fibrome peut arriver jusqu'à l'hypogastre. Ça nous est arrivé. Les kystes ovariens, c'est-à-dire on peut les palper au niveau de la fossilière droite ou gauche ou au niveau de l'hypogastre. Les fosses lombaires, c'est généralement le rein. Si ce n'est pas le rein, c'est le rétropéritoine. J'aime comme le rétropéritoine, j'aime comme tout ce qui est sarcome. Ça, pour l'adénocarcinome, c'est quoi que sarcome, c'est quoi? L'adénocarcinome, c'est des tumeurs glandulaires. D'accord? Donc, c'est le tube digestif. Le sarcome, c'est le tissu conjonctif. Donc là, on le trouve beaucoup plus le rétropéritoine. D'accord? Fibrosarcome, liposarcome, d'accord. Donc, parce qu'il y a beaucoup de tissus conjonctifs, il n'y a pas de glandes, d'accord, dans le rétropéritoine. Vous pouvez avoir des hématomes ou des athées, et c'est surtout les cancers et les fibromes. Il y a des masses qui occupent tout l'abdomen, donc ça peut être une carcinose péritonéale. Vous savez c'est quoi une carcinose? Ce carcinome péritonial, c'est une métastase péritonial d'un cancer. D'accord? La métastase véridique, qui touche le péritoine, elle peut se manifester comment? Elle peut se manifester soit juste par une ascite, il peut y avoir un peu de liquide dans le péritoine. Elle peut se manifester par des petits nodules de carcinome, des petits nodules comme ça qui sont disséminés sur le péritoine, qui soit le péritoine pariétal, c'est-à-dire qui entoure la paroi abdominale, ou la viscérale qui entoure les intestins. C'est la deuxième façon de s'exprimer. Et la troisième façon, c'est les grosses galettes là, c'est des nodules qui sont énormes au niveau du péritoine. Et ces nodules là, on peut les palper, d'accord, au niveau de l'ombilique, on peut les palper à travers un toucher rectal, donc au niveau du tout glace, on trouve une masse vraiment. Et ça peut occuper vraiment la totalité de l'abdomen. Et puis, vous avez les tumeurs mésenchymateuses et les adénopathies. Bon, là, par exemple, c'est une... Voilà. Là, c'est une énorme pour l'intestin sphincteroïdien. D'accord? Et là, c'est une énorme masse du mésentère. Là, on va la palper dans la totalité de l'abdomen. On va trouver comme une grossesse. Et quand on ouvre, c'est une énorme masse du mésentère. Bon, pour récapituler tout ça, la masse, quand vous trouvez une masse, il faut chercher ses caractéristiques. D'accord? Il faut chercher son siège. Selon le siège, vous pouvez très bien vous localiser. Si vous connaissez votre anatomie, vous avez une idée un peu d'orientation de ce qui se passe. Et puis, il ne faut pas hésiter à demander une échographie.